20-34 observations. Passé composé. Avoir. J'ai bu un tir. Je l'ai connu. Je l'ai vu. Je l'ai lu. J'en ai entendu parler. Notez que ces verbes sont au passé composé. Ils sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir ». Avoir, j'ai toujours eu de bonnes notes. Être, j'ai toujours été bon élève. Notez que le verbe « avoir », j'ai eu, et le verbe « être », j'ai été, sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir ». Un très grand nombre de verbes sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir ».